les apparences. Théâtre d'opération. Derrière l'épais brouillard, créé par ton black mirror and the poker and the poker and the poker and the poker, your black mirror. Là, tu prends ton consentement, accept, consent. Tu le prends, ton consentement. Pieds et poings liés veulent me pousser dans l'impasse. Veulent me pousser dans l'impasse. Un peu, beaucoup, une dose, simplement, you'd better run. You'd better run. You'd better run. Better run. Mais pourquoi? Maintenant, après le World Trade Center, fiche-moi la paix. Au contraire, la pression augmente. Pour les communautés poussées, identité, déterminante, ne pourra pas te sauver. Anthropologie, philosophie, impuissante face au capitalisme triomphant, triomphe de la civilisation, de cette civilisation, triomphe. absolu. Puissance. Triomphe de la civilisation. Master, process, evolution, and never, try ya, feel it. Carré au rock and roll, Panthéon, atmosphère, héritage. powers of the people. Try it. Fail it. Try again to fail better. About to share, about to care. A gift, without debt. Evolution. La beauté du monde. La beauté du monde. La beauté. La beauté du monde. Beauty. Beauty of the moon. Beauty. Push your force. Push, push. Push your force. You just have to push, to push, to push, to push, to push your force, the present tool. To make, to sing, to plant, to send. Push. Démissionner du système un peu comme danger, je suis dangereux. Dangereux. Away. héros, une merde, hero. Tomorrow, a shit. Tomorrow, sans oublier le passé, les imposteurs, les trichards. Faut pas déconner, j'étais dans le cœur, dans le corps, dans le cœur, dans le corps. Les imposteurs, les trichards. Malgré les imposteurs, les bureaucrates, les technocrates, je reste droit. Sachant pas ma vérité, là. Réalité, c'est pas ma vérité, juste constate, viens voir sur place ce qui se passe dans les hôpitaux. Les EHPAD, les pathologies plus ou moins sociales, c'est pour ça, hémorragie dans le secteur social. De psychopathe, creux de psychopathe. There's a bridge downtown. Bridge over troubled water. There's a bridge. Nobody. prisons. And I hope, that someone gets me. Get for me. Get for me. No drones up in the sky. And I'm feeling. Push your force, push your force. Hear it now. Virtues. Human condition. And there's a bridge downtown. Able to see the bridge. Puissance de la création. Puissance. De ce que nous voulons faire. No wait, no hope. Essayant encore et encore, frères humains qui après nous vivez, n'ayez contre nous les cœurs endurcis, car si pauvres de nous avez demain. C'est vous de pauvres qui après nous vivrez. Evo, Evo, Evo, Evo, Evo la chienne. Est-ce pas? Human condition. It's a process. It's not a trial. I love. Je suis fatigué. Je suis dangereux. Dangerous, dangerous. I am dangerous, dangerous. Au pied du volcan, à la limite du rift, au pied du volcan, je suis à bleu. I blanc. Voyelle. Desaparece.